Cours numéro 20. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Mada akhadna fi darsina al-akhir fi kitab al-tawhid? Akhadna fi darsina al-akhir ladayn. Al-awwal ma hu? Al-awwal wa maja'a ad-awruwa fi kuburi salihin yusallimuha awthanatu badu min dunillah. Ma ma'na hadha al-bab? زيد نعم فالغلو في قبور الصالحين بالبناء عليها en construisant sur les tombes أو تقدم معنا en les éclairant من غير حاجة et en les embellissant, en les visitant fréquemment, une visite qui n'est pas sur la sunna, ou l'ukuf indaha, كذلك adorer Allah inda hadhi al-qubur, tout ça c'est min bab al-ghulu, c'est de l'exagération envers cette tombe. Cette exagération, elle va pousser, dans beaucoup de cas, hadha al-ghali, أي سلوكي في الغلو أدغي ستم يصيرها أوثانا ما معنى الأوثان كل ما يعبد من دون الله أحسن سسال وثن فيصيرها أوثانا تعبد من دون الله أي هذا القبر سادفين ينيدل أي يعبدها صاحبها عيادا بالله من دون الله. Ça peut être en sacrifiant une bête, ça peut être en tournant autour, bien qasdi at-taqarrub, ce qu'on appelle at-tawaf. Ça peut être en demandant à ce mort, bid-du'a, ou bil-istighatha, ou bil-isti'adha, iyadun billah. Tout ça, al-haqiqa, ce qabr c'est devenu un wathan pour hadha shakhs. C'est devenu une chose qu'il adore, min dunillahi subhanahu wa ta'ala. Et on avait cité l'importance de ce bab, indaman. En d'autres termes, on a هذا الباب. Cheikh al-Islam, rahimahullah, il a cité pour répondre à une shubha. Ma hi? Fadda. Ba'dhum yaquluna hadha shay laysa ma huwa hadha shay? Al-ghulu fi hadha al-ghulu laysa ash-shirku billah. Ahsan, ba'dhum yaqul anna hadhihi ألا يسمونهم عبادات؟ إيه، ces choses qu'ils font عند القبر، pour eux c'est pas du shirk. لماذا قالوا هذا القول؟ تفضل. يقولون هذا لأن كفار قريش يقولون هذا لأن هذا الفعل الذي يقوم به ليس مثل كما فعل. أحسن لا بأس أن عندهم الشرك عبادة الأصنام فقط pour eux الشرك c'est se prosterner devant une statue أو une pierre فهذا عندهم شرك أما demander à ce mort الطلب أي من باب التوسل comme ils prétendent أو من باب الشفاعة comme ils prétendent aussi. فَهَذَا عِنْدَهُمْ c'est pas du shirk. لِمَاذَا لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ نَحْنُ notre but c'est de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour eux c'est pas du shirk. مَا الرَّبْ c'est quoi le رَبْ عَلَى هَذِهِ الشُّبْهَ تفضل. أحسنت أن في القرآن الكريم on a plusieurs versets أن الله سبحانه وتعالى ما فرق ما الدليل؟ tu peux citer un دليل؟ أحسنت وعبد الله ولا تشركوا به شيئا. الله سبحانه وتعالى il a interdit d'adorer une créature. L'adoration c'est pour le خالق, c'est pour le créateur جل وعلا. Donc هذه الشبهة باطلة. Et comment on peut répondre avec un دليل sur cette mas'ala précisément, nous disons notre but, c'est de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Tfaddal? Pour le ta'ala, ما الدليل؟ نعم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. C'était exactement la même hujja, le même argument que Kuffar Quraysh ici. Et on les adore que pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas accepté هذا العذر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a combattus malgré cela. Ça nous montre anna hadhihi shubah batila. Donc adorer un qabr, même si wahid prétend annahu c'est min bab at-tawassul, ou pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou ba'dhum ils ont une shubha ayadun billah anna leurs ancêtres, leurs parents dans leur pays ils font cette chose, tout ça c'est batil. Là il n'y a aucune différence entre ces arguments, hadhihi al-hujaj, et كذلك حجج المشركين الأولين. لا بد de comprendre هذه الأبواب بدقة فهم صحيح لأن ما من مشرك إلا ستشبه. C'est pour ça que بعضهم ils sont d'accord avec toi si tu lui dis مثلا أن بعض الأقوام كبعض qui vivent en Inde, comme on a dit, ou dans certains pays d'Afrique ou d'Asie, ils vont être d'accord avec toi, Nahum, c'est des mouchrikoun. Nahum, ils adorent des statues, Nahum, ils adorent des vaches, iyadun billah. Thumma, si tu lui parles de ce qu'ils font dans son village, et Obama lui-même, il le fait, il n'arrive pas à voir le lien. Limada, les Nahum, ils ont les choubahs qu'on a cités, et kadhalik, ils pensent que l'islam, c'est une origine. Mathalan, ses parents c'étaient des musulmans, il vit dans un pays musulman, et pour lui c'est forcément un musulman. Donc toutes ses actions qu'il fait, il ne peut pas contredire l'islam. C'est pour ça que les actions qui vont autour de lui, c'est forcément minal islam, vu que c'est des gens qui se disent musulmans qui les font. Et ça c'est très très grave. L'islam, il est fondé sur le Coran ou le Sunna, il n'est pas fondé sur un tel fait, ou dans tel pays fait, ou à telle période ils ont fait là. C'est pour ça que في أفضل البلاد مكة على meilleure des périodes, la période du prophète sallallahu alayhi wa sallam, كفار قريش ils n'ont pas été excusés. بل كثير منهم ils avaient les mêmes ancêtres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. بعضهم ils avaient le même sang, c'était de sa famille. مع هذا النبي sallallahu alayhi wa sallam il les a jamais excusés. Ça nous montre أن الإسلام il est fondé sur le tawhid. Celui qui contredit ce tawhid, même s'il prétend être musulman, vivre avec des musulmans, ou ses parents y font, ou il a grandi avec cela, ça ne fait pas de ce fi'l. Annahu, c'est un fi'l qui est légiféré, mashrou' abadan. Ça nous montre l'importance de revenir à l'adillah. Et vous comprenez avec tout ça, pourquoi كثير من العوام ne comprennent pas هذه المسائل. بل, ils prétendent أن Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, وأولاده وتلاميذه أنهم سدي وهابية. كثير منهم يقولون أنهم سدي تكفيريون يكفرون المسلمين. Pourquoi؟ لأنهم ils ont pas compris الإسلام الصحيح. شيخ الإسلام يكفر pas المسلمين, لا يكفر المشركين. Et si c'est un musulman qui fait ce fi'l de shirk, خاصة إذا قامت عليه الحجة, فيكفره avec الأدلة. هم vu que pour eux l'insan, s'il rentre dans l'islam, il ne peut plus en sortir. Pourquoi les anahum, c'est comme une origine. Et vous avez déjà remarqué, l'insan, il ne veut pas perdre ses origines. Celui qui est africain, c'est un africain. Celui qui est européen, c'est un européen. Celui qui vient d'un pays d'Asie, c'est un asiatique. Tu ne peux pas changer, ils ont fait exactement la même chose avec le din, avec l'islam. C'est pour ça que كثير من الناس, خاصة العوام, bien sûr, pour eux, un arabe, c'est forcément un musulman. Un européen, عند بعضهم, ça ne peut pas être un musulman. عند بعض العوام, الجهال. لماذا؟ لأنهم, ils n'ont pas compris أن الإسلام, il est fondé sur des usul azim. Celui qui prononce shahada et qui aime cette kalima, qui la met en application et qui s'écarte de tout ce qui l'a contredit, c'est un musulman. Même si c'est un Européen, même si c'est un Asiatique, même si c'est pas un Arabe. Et celui qui contredit Hadil Kalima, ou qui refuse de la dire, ou qui l'a dit, l'a contredit avec un annulatif, naqid min nawaqid al-islam, c'est un kafir, un mushrik. Et la ashraka billah azza wa jalla shirk al-akbar, c'est un kafir, un mushrik. Même si c'est un Arabe. Belle, on va plus loin, même s'il fait partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il est min ahl al-bayt. C'est un kafir billah azza wa jalla. Wa taqaddam ma'ana al-dalil. أن أبا طالب il est mort على الكفر il a refusé de dire لا إله إلا الله et là chacun d'entre eux il est mort على الكفر il a choisi de rester sur le din de ses ancêtres malgré cela il a vécu avec le prophète صلى الله عليه وسلم بل il l'a défendu il l'a secouru في كثير من الأمور et c'est son oncle le frère de son père ils ont le même sang مع هذا c'est pas un musulman il est mort على غير الإسلام حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه لولا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فإلى غير الشتيم plus grand والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه sera في النار avec des braises sous les pieds et عيادا بالله son cerveau est bou وهكذا حاله أبو طالب كما هو معلوم c'est la personne qui une des personnes qui aura le moins grand châtiment في النار مع أنه ستان عربي فاز بارتي دافامي صلى الله عليه وسلم il a vécu à la période de la l'époque de la révélation ما نفعه هذا c'est ça que Cheikh al-Islam il veut nous démontrer avec هذا الكتاب النافع ce kitab en الحقيقة il combat الخرافات أي les histoires qui sont pas fondées sur des adilles il combat الشرك أولا كذلك il combat التعصب le nationalisme à tel pays ou à telle famille Il combat le jahl. هذا التوحيد هذا الكتاب الحقيقة c'est un remède contre tout cela. Vu que كثير من الناس ils n'ont pas étudié مثل هذه الكتب même s'ils lisent le Coran. بعضهم ربما مجتهد في قراءة القرآن ليلا ونهارا. Et ils lisent des versets qu'on a étudiés ensemble في هذا الكتاب لكن لا يفهمون. Il va lire قول الله عز وجل وعبد الله ولا تشركوا به شيئا. Et si tu lui demandes ربما il te cite dans quelle sourate il te cite le numéro du verset, il te cite est-ce que c'est Makki ou Madani, probablement tu t'étonnes min ilmihi par rapport au Coran. Thumma peut-être qu'il fait partie de ceux qui sacrifient pour autre qu'Allah vers une tombe, pour la tombe, ayyadan billah. Fa limadha yaqra wa a'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a wa anna al-masajid lillah fa la tad'u ma'a Allah ahada. T'as pas le droit d'invoquer un autre avec Allah subhanahu wa ta'ala dans une chose qu'il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui peut te donner. Tu les trouves, probablement, yaqra'un hadhihi al-aya, thumma, ils demandent la guider à un mort. Ayyadan billah. Ils demandent la guérison à un mort. Ils demandent un risque à un mort. Ah oui, ils vont et ils demandent l'avenir à des sorciers. Alors que les versets sur ilm al-ghayb kathira. أن الله سبحانه وتعالى c'est le seul à connaître l'invisible. مع هذا يقرؤون et contredisent. هذا ça nous montre l'importance d'étudier مثل هذه الأبواب. Et le bab d'aujourd'hui, vous allez voir que c'est la suite de tous les أبواب qu'on a vu sur الغلو إلى آخره. Et il a conclu هذه الأبواب avec le bab qu'on va lire aujourd'hui. Inch'Allah, ثم il va passer à des autres abouab, sihr, etc., à la sorcellerie. Wallah al-musta'an. Man yurid yaqra hadha al-bab, le bab qu'on a étudié ensemble, le dernier dars, ou le bab d'aujourd'hui, kama turidoun. باب أن العروة في قبور الصالحين يسيرها أرثنة تعبد من دون الله وذلك في الوضع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري اللهم لا تجعل قبري وثنا تعبد من دون الله وثنا يعبد اشتد غضب الله على قبري اشتد غضب الله على قبري على قوم اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وللرجال بسنادل عن سفيان المنصور ان عن مجاهد رايته الذي اذا قال كان يدود له سويقه فمات فعكفوا على قبره وكذا قال ابو جوزاه فكذا قال أبو جوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يلوت سويقا من الحج وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها مسجد والسرج والمتخذين عليها المساجد متخذين عليها مساجد والسرج والسرج بدون واو السرج نعم أحسنت. قال رحمه الله باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. Après avoir démontré la gravité du shirk, et كذلك بعض هذه الوسائل أي التي توصل إلى الشرك, et كذلك après avoir montré أن النبي صلى الله عليه وسلم il a mis en garde contre le shirk et tout ce qui pousse à faire du shirk, il a cité هذا الباب المهم أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان أي des أدلة qui prouvent أن certains de cette communauté ils vont adorer الأوثان أي vont adorer autre qu'Allah سبحانه وتعالى وهذا سنرد على الذين يقولون أن y a plus de shirk أو يقولون لماذا vous mettez en garde contre le shirk alors qu'on est des musulmans أو لاس des جهال أو لا ils connaissent pas l'islam ils connaissent pas le tawhid ils connaissent pas le shirk فلهذا يقولون مثل هذا الكلام أما أئمة الدين علماء السنة إما دائما نقعد contre الشرك لأمور pour plusieurs raisons أولا لأن الشرك il est présent في كثير من البلدان et شيخ الإسلام il a cité des preuves pour démontrer cela كذلك أن الشرك سأعظم الذنوب وأخطر الذنوب سأنول les œuvres celui qui meurt على الشرك الأكبر il rentrera jamais au paradis bel son refuge ça sera le nar iyadam billah wa kam min masail khatira par rapport au shirk taqaddamat ma'ana kathira qala rahimahullah wa qawlihi ta'ala aw qabla dhalik naqra al munasaba qala shaykh al fawzan hafidhahullah anna al musannif lamma dhakara al tawhid wa ma yunafih أو ينقصه من الشرك ذكر في هذا الباب أن هذا الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة وقصد بذلك الرد على عباد القبور الذين يفعلون الشرك ويقولون لا يقع في هذه الأمة المحمدية شرك وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله C'est ce qu'on a cité au début du dars أن بعض القبوريين vu qu'eux-mêmes ils font du shirk ils prétendent qu'il n'y a pas de shirk Et pour écarter les gens de la mise en garde contre eux, ou pour pousser les gens à les suivre. Annahum yaqulun, pourquoi vous dites que certains font du shirk et de cette umma en bas? Wahum yaqulun la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ka'anna dire hadhihi ash-shahada al-'azima, c'est suffisant. Ça serait suffisant, ça aurait été utile pour chaque munafiq. Lian al-munafiq yaqul أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. C'est pour ça que c'est un munafiq. لأن il a prononcé cette parole et ربما il fait الصلاة إلى آخره. لكن il a contredit avec son cœur. Ce qu'on appelle un munafiq. Il fait apparaître l'islam et dans son cœur il y a al-kufr al-akbar. Enfin, si ça aurait été utile, une simple prononciation, ça aurait été utile au munafiqoun. كذلك سامونتر هذا أن هؤلاء يكونسوا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. Vous vous rappelez d'un délit qu'on a cité ensemble, qu'on a lu, أن بعض المشركين يكونسوا المعنى. Et on avait lu كلام المؤلف رحمه الله dans une مسألة parmi les مسائل أنه il a démontré قبح الله قوما أبو جهل أعلم منهم بلا إله إلا الله أو كما قال. Vous vous rappelez de ce dalil عندما تذكرون hein نعم après quoi ils lui ont dit ça quand ils ont entendu ماذا احسن يا عم قل لا اله الا الله النبي صلى الله عليه وسلم il faisait دعوة à son oncle avant de mourir dis la ilaha illallah Abu Jahl Omar ma'ah, ils ont compris معنى la ilaha illallah. Et ils ont su que ce n'était pas qu'une parole que tu prononces. Est-ce que tu vas délaisser Millat Abd al-Muttalib? Et ils ont compris, si tu dis la ilaha illallah, tu dois délaisser le shirk. C'est ça, معنى la ilaha illallah. La prononcer et délaisser le shirk et adorer Allah seul. فَفَهِمُوا هَذَا. C'est pour ça que كَثِيرٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, ils n'ont pas voulu la prononcer. Non, ils n'ont pas voulu la prononcer. Ils ont compris, ils ont prononcé cette kalima, il faut délaisser le shirk. وَهَؤُلَا. Vu que بعضهم ils connaissent pas le معنى, ou بعضهم ils la contredisent بكبر, ou à cause de leur shirk, alors ils prononcent cette kalima, ils la contredisent بفعل. Celui qui dit la ilaha illallah, c'est un musulman, c'est ça la base. Lakin si sacrifie pour autre qu'Allah, si tourne autour des tombes avec l'intention de se rapprocher d'Allah, si demande aux morts, si se prosterne devant les tombes, iyadam billah, pourquoi il dit la ilaha illallah? Imma il dit la ilaha illallah, et ça doit le pousser à délaisser ces choses. Li'annahu il dit la ilaha illallah. La ilaha ay la ma'boud. Haqqun illallah. Fakannahu il dit personne ne mérite d'être adoré sauf Allah, thumma il adore un autre. Fal'imada, al-haqiqa, il se contredit. C'est pour ça que Kuffar Quraysh, al-haqiqa, ils se sont moins contredits que Haoula. Ils ont compris le kalima, ils ont dit là. Inna la tariku alihatina li sha'irin majnoun, hakad al-aya. Naam. إن هذا لشيء عجاب, ils ont été étonnés. Est-ce qu'on va délaisser nos idoles, les sha'ir et les majnoun, pour un sha'ir, un poète qui est fou? Et ils ont compris, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a fait la da'wa ila la ilaha illallah, qu'il faut délaisser tout shirk. Ne plus adorer les statues, ne plus adorer les tombeaux, ne plus adorer les anges, ne plus adorer les arbres. Ils ont compris. Et tu trouves qawmun min ha'ula, as-suhaha, que ce soit soufiya ou rawafid, ou man ta'athara bihim, rubbama, ils se prosternent devant une tombe. Et il dit la ilaha illallah. La haqiqa, c'est khatir jiddan. Est-ce que cette kalima elle est utile pour lui? Abadan. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Sababu maji al-mu'allif fi hadha al-bab li dahd hujjat man yaqul inna ash-shirk la yumkin an yaqa fi hadhihi al-umma wa ankaru an takun 'ibadatu al-qubur wal awliya min ash-shirk. Vu que eux ils ont ce mabda, le shirk ne peut pas arriver dans cette communauté. Donc tout ce que on voit et on entend, min ash-shirk, l'adoration des tombes, le tawaf, vous avez déjà vu, al-adriha, c'est devenu comme le hajj. Annahum, ils sont en état d'ihram, ils se rasent la tête, chacun il emmène sa bête et ils se rassemblent. Annahum, ils sont vie arafa. Et tout ça pour eux, là, c'est pas du shirk. Mais la umma ne peut pas faire de shirk. Qui c'est qui leur a dit que la umma, ou certains de la umma, ils ne pouvaient pas faire du shirk? Men, haqiqa, ils ont une shubha. Il va la citer, Cheikh Ibn Uthaymeen. Qala, لأن هذه الأمة معصومة من لقوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أيس أن يعبد أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريج بينهم. الحديث أخرجه الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه. حديث صحيح. أن الشيطان أيس إلى ديزيسبيري أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. الشيطان لا ديزيسبيري que في جزيرة العرب يسوى adoré en dehors d'Allah. Et il a désespéré qu'il y a du shirk fi jazirat al-arab. Haoula, ils ont compris min hada al-hadith anna khalas, cette umma elle est ma'souma, elle ne peut pas faire du shirk. Haqiqa, c'est un qawl, il est ba'id. Et ta'amman l'explication de Cheikh Ibn Uthaymeen. Qala rahimahullah, wal jawab anna ikhbar an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi ya'sihi, ay shaytan, la yadul ala adam al-wuqu'. Awalan, quand le shaytan il a désespéré, ça ne veut pas dire qu'il n'y allait pas avoir de shirk. Là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a informé l'état de shaytan, tellement qu'il a vu quwwa fi tawhid wa fi al-ilm wa fi al-amal à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le sahaba radiyallahu anhu. Le shaytan, tellement qu'il les a vu mujtahidun fi tawhid wa al-ilm wa al-ibada, il a désespéré, il a dit haoula, ils adoreront pas autre qu'Allah. Hada awwalan, vous avez remarqué que c'est restreint à une période et à un endroit, c'est pas pour tout le monde. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen. فالجواب نعم بل يجوز أن يقع على خلاف ما توقعه الشيطان لأن الشيطان لما حصلت الفتوحات وقوي الإسلام ودخل الناس بدين الله أفواجا يأس أن يعبد سوى الله في هذه الجزيرة. الشيطان dès qu'il a vu قوة الإسلام il a pensé que الله سبحانه وتعالى سغال السلا يتخاضغي في الجزيرة. ولكن حكمة الله تأبى إلا أن يكون ذلك في الحديث أخبر عما وقع في نفس الشيطان ذلك الوقت، ولكنه لا يدل على عدم الوقوع. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لتركبن سنن من كان قبلكم إلى آخره، سيأتي معنا دي بخوف بغطي مطخي أن الشرك سيقع. كذلك on dit à هؤلاء si vous prenez le hadith pourquoi vous dites pas أن الشرك il arrivera pas في جزيرة العرب. Si on prend le hadith à la lettre, sans prendre les autres adil, ben, ils seraient sincères, ils auraient dit non, le shirk ne peut pas être dans le Jazeera. Le Jazeera, c'est l'actuelle Arabie Saoudite, le Yémen, etc. La péninsule arabique. Mais les autres pays, là, ils ne sont pas cités dans le hadith. Il y a des autres adil. Le muhaqqiq, il les a cités. Page 175, page 175. Juste après le shah, la note numéro 3. أي عند قول شيخ الإسلام المسألة السابعة تصريحه بوقوعها أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة. أي النبي صلى الله عليه وسلم clairement il a démontré أن بعض الناس vont adorer autre qu'Allah dans cette communauté. سيأتي معنا الحديث. وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. النبي صلى الله عليه وسلم il a démontré أن فئام c'est un groupe de sa communauté sallallahu alayhi wa sallam, ils vont adorer l'awthan, les idoles. Le hadith il est wadih. Et on a la conviction que le kalam al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il se contredit pas. Aïe qawluhu anna shaytan l'a désespéré de se faire adorer fi jazirat l'arab. La shakanna al-jam'a, c'est comme qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymeen. Ça c'est la pensée de shaytan. Shaytan il a pensé ça, ça veut pas dire que ça allait arriver. Lakin c'était pour montrer quwwat l'islam. Il a cité des autres hadith, al-muhaddith, al-muhaqqiq, aqsud. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. قال وكانت صنما تعبدها دوس في الجاهلية بتبالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إلى دمت خلا تقوم الساعة leur n'arrivera pas jusqu'à هؤلاء ces femmes de cette قبيلة دوس et retourneront à adorer ذي الخلصة cette idole. Ça montre que le shirk va revenir. On est à une époque où le shirk il est présent. ولله الحمد في أرض الحرمين في المملكة العربية السعودية ولله الحمد بإذن الله عز وجل avec les efforts de المؤلف شيخ الإسلام ils ont réussi à éradiquer هذا الشرك ولله الحمد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى أخرجه مسلم. فتأملوا لبقمي حديث إلى في الصحيحين إلى دوزيام إلى في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يدمونتر كذلك أن avant la fin des temps اللات والعزى بعض الناس les adoreront comme ils ont été adorés avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça montre que le shirk il sera présent dans cette communauté. Et nous, on le voit et on l'entend dans certains bilans. Le shirk il est muntashir jiddan. Lil asaf. Kalam Cheikh Ibn Uthaymeen min al-qawl al-mufid. Pour comprendre هذا الباب, tu dois comprendre que l'asl de ce bab c'est le hadith. Hadith Abi Sa'id radiyallahu anhu. Cheikh l'Islam il a cité trois versets. Thumma, il a cité Hadith Abi Sa'id. Hadith Abi Sa'id, قال صلى الله عليه وسلم, on le lit باختصار, لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة إلى آخر. Et vous allez suivre ceux qui étaient avant vous pas à pas إلى آخر. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. حتى s'ils rentrent dans un trou de lézard, vous allez les suivre. Un Nabi صلى الله عليه وسلم, il a démontré أن certains de cette communauté, de sa communauté, ils vont suivre Al-Yahoud ou Al-Nasara. Dans tout. Cheikh l'Islam, il a cité des adils pour démontrer que Al-Yahoud ou Al-Nasara ou غيرهم من المشركين, ils font du shirk. Thumma, il a cité ce hadith que certains de la communauté vont les suivre fi hada shirk. Si tu as compris hada tartib, tu vas comprendre le bab. En apparence, dès qu'on va lire les versets, tu vas voir que c'est pas lié directement avec le bab. Lakin, en comprenant l'asl c'est le hadith, et certains de notre communauté vont suivre المشركين dans leur fi'l, tu auras, بإذن الله عز وجل, المناسبة de toutes ces ayats. فنقرأ, قال, وقوله تعالى, ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. نصيبا من الكتاب, أي اليهود والنصارى, يؤمنون بالجبت والطاغوت. Certains de cette communauté vont suivre les Yahoud ou les Nasara حتى في هذا. Ils vont croire بالجبت والطاغوت, بالشرك, بالسحر, et ils vont adorer autre qu'Allah. قال وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وعبد الطاغوت, ils vont adorer الطواغيت, et autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu trouveras certains de cette communauté, ils vont les suivre fi hada. C'est pour ça qu'il a cité le hadith juste après. Qala wa qawlihi qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidhanna alayhim masjida. Tu trouves certains de la communauté, ils ont suivi haoula et construisent sur les tombes et les adorent min dunillah. Ça montre fiqh hada al-imam rahmatullah alayhi. قال شيخ العثيمين رحمه الله في القول المفيد وجه المناسبة في الآية للباب لا يتبين إلا بالحديث وهو لتركبن سنن من كان قبلكم إلى آخر. أي pour comprendre pourquoi شيخ الإسلام il a cité ces versets, tu dois lire jusqu'au hadith. Si tu as compris le hadith, tu comprendras أن بعض المسلمين ils vont suivre هؤلاء que Allah سبحانه وتعالى il a cité في القرآن أنهم ils ont fait du shirk. قال فإذا كان الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت وأن من هذه الأمة من يرتكب سنن من كان قبله يلزم من هذا أن في هذه الأمة من يؤمن بالجبت والطاغوت فتكون الآية مطابقة للترجمة تماما. هذا ولله الحمد compris. Et chaque verset c'est la même chose. Si tu as compris la première munasaba, c'est la même chose à chaque fois pour chaque verset, comme a bayyana al-Sheikh ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi. Thumma qal wa an Abi Sa'id radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal latattabi'unna sanan man kana qablakum hadhwa al-qudha bil-qudha hatta law dakhalu juhra dhabbin ladakhaltumuh qalu ya Rasulullah al-Yahud wal-Nasara qala faman akhraja. أي فمن أي فمن يكون إن لم يكن هؤلاء. Si c'est pas les Yahoud ou les Nasara, ça va être qui? أي ça montre que c'est les Yahoud ou les Nasara. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن عليه رحمة الله وفي حديث آخر dans une رواية أو dans un autre حديث حتى لو كان فيه من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك. صلى الله عليه وسلم. الحديث حسنه الإمام الألباني في الصحيحة. هذا c'est pour montrer jusqu'où بعض الناس اللي vont suivre les يهود والنصارى. أي même si un d'eux, عياذا بالله, il a des rapports avec sa mère en public, علانية devant tout le monde, tu trouveras بعض الناس ils vont essayer de les imiter. Pourquoi? Et c'est cette époque où on vit أن بعض ضعفاء المسلمين ils suivent اليهود والنصارى الأوكسيدان الكفرة اللي يسويف لماذا؟ لأنهم يظنون أنهم c'est eux qui ont réussi, c'est eux qui sont avancés, c'est eux qui comprennent إلى آخر. اللي يسويف dans tout, tu les vois الآن حتى dans les coupes des cheveux, حتى dans les vêtements, des choses والله تستحي. Et tu trouves بعض المسلمين اللي يسويف. À l'époque c'était un عيب de porter des vêtements déchirés كما تعلمون. Et là, مسكين الفقير, celui qui n'avait pas. Et même le faqir, il faisait tout pour coudre, pour que pas que ça apparaisse il a arrêté. Tu trouves l'un, ils en ont fait une mode. Et vous avez vu هذا. Des pantalons ou autres déchirés. Et tu trouves umma min al-nas, amma al-kuffar, الحقيقه c'est pas étonnant. Ils sont comme l'an'am, comme akhbar Allah azza wa jalla. Mais للاسف tu trouves مسلم إلى الإسلام ربما إلى القرآن يفين صلاة الجمعة إلى آخره ويبقى ستبي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنة من كان قبلكم. À l'époque هذا c'était pas possible. واحد يمي volontairement des vêtements trouer au-dessus. Vu que Badr Kuffar, des stars, des célébrités, ils ont porté ces choses. Ils ont voulu les suivre et c'est devenu une mode et un bien pour eux. Et tu trouves Umma bin Nas, ils portent ça. Tu trouves Adel Manat, elle porte ses vêtements déchirés devant leur père. Ah, dis-y, c'est une moussiba. C'est pour ça que la testarib min hadihi riwaya. Hatta law kana fihim man yati ummahu alaniya. Même si tu trouves wahed, ça devient une mode. Ayyadam billah. Et ça commence, l'inceste, il a akhiré. Cette liberté totale, ce bab qu'ils ont ouvert, ayyadam billah, ça deviendra normal. Et prends l'exemple de l'homosexualité. L'homosexualité, à l'époque, il y a quelques années, on remonte même pas loin, on remonte à 10 ans, 15 ans, même un peu moins, c'était arun, hatta inda al-kuffar. Hatta inda al-kuffar, c'était une honte. Et tout le monde critiquait l'homosexualité. Thumma, quelques années, et ils ont réussi à faire croire à kathir min nas anna al-hurriya ou al-huquq. Pour leur donner leurs droits, ils sont libres. Ils ont fait un choix. Kathirun min an-nas, iyadan billah, ils acceptent hada. Et عند المسلمين والله الحمد, ils sont encore préservés min hada, et d'accepter hada alania. Lakin takhsha, tu crains et on craint que une époque avec le temps, khassatan l'an, dans les films, ils mettent des homosexualités et des homosexuels, iyadan billah, dans les séries, dans kadhalik des sportifs, yanshurun anna fulan c'est un homosexuel. Hada, c'est pour habituer les gens. Hatta avec le temps, ربما بعض المسلمين يتأثروا. ثم انت ربما tu vas lui démontrer un homme c'est min shirar al khalq. Et c'est très très grave, ربما il te répondra non, il a fait un choix, il est libre, il a akhira. Alors qu'à l'époque là, hatta à l'époque, il y avait pas ce qu'on appelle l'homophobie. Ils ont fait un tapage médiatique sur hada. À chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est un homophobe. Et celui qui critique les homosexuels. Hatta بعض الناس, خاصة المسؤولين أو des célébrités, ربما يكرهون. ربما يتتس هذا الشيء, لكن ils peuvent pas le dire à l'année. لأن s'ils disent, ils sont contre l'homosexualité, ربما يحاربهم الكفرة. بعضهم, ils donnent une réponse pour se sortir, فقط. نسأل الله الثبات. قال الشيخ الفوزان حفظه الله وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم فالتقليد والتشبه بالكفار قائم على قدم وساق بأتفه الأشياء وأحقر الأشياء هكذا قال الشيخ الفوزان حفظه الله أن التشبه والسويفي دو هؤلاء الأعداء ça c'est très très répandu à notre époque حتى في أتفه الأشياء on a cité l'exemple des coupes de cheveux est-ce qu'un مسلم il a besoin de هذا مسلم والله الحمد c'est un مسلم. Il a un modèle, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a des parents. Khassatan, ceux qui vivent dans un pays musulmin. Il y a des personnes âgées, il y a des familles. Tu ne peux pas te comporter, t'habiller comme tu veux. Là, et qabla hada, notre din. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit al-qaza. Il se rase une partie de la tête et délaisser l'autre. Il nous a interdit de ressembler au kuffar. Et avec tout ça, kadhalik, le mandar, il n'est pas jamil. L'il-asaf. Amma, profiter de certaines choses que les kuffars y font, tant que ça ne contredit pas notre din, مثلا les ordinateurs, l'imprimerie, tout ce qui est l'imprimerie, khas, à grande échelle, tous ces livres, toutes ces machines, toute cette technologie, c'est venu des kafaras. Oh, c'est les kafaras, qui fabriquent ces machines, on en profite, alhamdulillah. Ça ne contredit pas notre din, on propage notre din. Ou les moyens de communication, ou les voitures, alhamdulillah. Amma, les suivre, vichy, ça fait du mal à notre din. Il n'y a aucune manfa'a. Bel, c'est arun, ala al-muslim, va na'oudou billah. Lakin, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la tattabi'unna. Hada al-kalam, c'est le tahqiq. Et sois sûr. أن البعض اللي سويفون حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوه عياذا بالله قال الشيخ الفوزان والمقلد يرى أنهم أهل العقول وأنهم أهل التقدم والحضارة فيقلدهم من أجل ذلك هذه المصيبة كي تشبك المسلمين أنه هو يبنس هذا الضعيف من المسلمين كي اللي سوي كي يسيد لغوصهم يبنس كسي eux qui ont compris. C'est eux qui sont modernisés, ils sont pas arriérés. Amma, nous, on est toujours derrière, on est toujours attardés. وبعضهم يبونس هكذا. C'est pour ça qu'il veut les suivre. Il saurait le bien qu'il y a dans le suivi du prophète صلى الله عليه وسلم, il n'aurait pas dit هذا. قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. Toute la communauté du prophète صلى الله عليه وسلم, ils rentreront في الجنة, sauf celui qui refuse. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ومن يأبى يا رسول الله. Ils ont demandé au prophète صلى الله عليه وسلم, qui c'est qui va refuser de rentrer في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Celui qui obéit au prophète صلى الله عليه وسلم, il rentrera في الجنة. Celui qui lui désobéit, il a refusé le جنة. Est-ce que la solution c'est de suivre ha'oula? Abadan. Ma'a anna Allah subhanahu wa ta'ala ahalla lana at-tayyibat min ar-rizq. Allah nous a rendu halal kathir min al-umur. Et les choses qui nous a interdites, c'est que ça nous fait du mal. Ressemble au kuffar, ça fait du mal. Certaines choses qui sont interdites que les kuffar font, Allah nous l'a interdit. Wallah, c'est pour notre bien. Prends l'exemple de l'homosexualité. Pourquoi Allah l'a interdit? Il y a un shar azim. Ça provoque des maladies, il a akhiré. Et Allah subhanahu wa ta'ala fatara al-insan al-rajul, il se marie avec une femme. Et là, chaque, hatta les kuffars, ils savent les méfaits de l'homosexualité. Lakin, hakada ayyadam billah, une da'wa, hurriya, mutlaqat, et la liberté totale et la haqiqa, c'est pour combattre l'islam. Vu que l'islam, il a interdit l'homosexualité, ils veulent rendre cette chose permise. Vu que l'islam, il a autoriser al-hijab, ils disent que c'est interdit. Hakadahum. Ils se battent sur l'islam pour le combattre et ils le contredisent. Enfin, nous, en tant que musulmans, on n'a pas le droit de se mettre du côté des kafaras. On leur ressemble. Mais ils pensent que c'est quelque chose de simple. Mais c'est pas grave, c'est qu'une mode. Hatta certains parents, mais ils sont petits en parlant de leurs enfants, ils sont jeunes, ils savent pas encore là. C'est une mas'ala de aqidah et de tawhid. C'est pour ça que Cheikh l'islam, il l'a cité. Et vous avez remarqué que hum, ils nous combattent dans tout. Kullu kabira wa sagira. Wallah, ils pourraient nous enlever l'oxygène, ils l'enlèveraient hum. Wa yubghidun an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, atba'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils détestent l'islam. Et fi hadha al-janib, il n'y a plus de tolérance, de liberté, abadan. Ils détestent min qulubihim. Et tu trouves, nahnu, ba'd ad-du'afa, yata'amal ma'ahum ka'annahum c'est. Ils font partie de al-awliya wa al-salihin, ayyadan billah. Qala wa li muslim an thawban radiyallahu anhu anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala inna allah zawali al-ard ra'aytu mashariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyali minha wa utaytu al-kanzayn al-ahmar wal-abyad وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. قال شيخ الفوزان حفظه الله مناسبة الحديث للباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيه أن جماعة من أمته ستعبد الأوثان ففيه الرد على من أنكر وقوع الشرك في هذه الأمة. قال ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. C'est ça الشاهد. حتى تعبد فئام أي un groupe من أمة الأوثان. Ça montre أن هذا الشرك عبادة الأوثان سيقع و et notre époque on le vit أن البعض يعبدون الأوثان que ce soit des قبور وأطر. قال وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. الحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الجامع كما في الحاشية. قال شيخ الفوزان حفظه الله: الحي المراد به القبيلة، ومعنى يلحق يتبع، أي قوله صلى الله عليه وسلم نعم ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، أي يلحق أي يتبع. سأقول حديث: لا تتبعن السنن من كان قبلكم، أي vous suivrez ceux qui sont venus avant vous, اليهود والنصارى. قال: وإما قال أما أن يذهبوا إلى بلادهم ويسكنوا معهم ويكونوا من دولتهم، وإما أن يبقوا في بلاد المسلمين ولكن يكونون على منهج الكفار. إلى دو كاس غاب. قوله عليه الصلاة والسلام حي أو حتى يلحق. tu peux traduire par rejoindre. حي من أمتي أي une partie de la أمة du prophète صلى الله عليه وسلم. بالمشركين أي vont rejoindre les مشركين. إما c'est les rejoindre. حسياً أي se déplacer et vivre avec eux. إما c'est les rejoindre dans le fikr et dans le mu'taqad عياذاً بالله. et كذلك c'est très très grave. فالنبي صلى الله عليه وسلم il a démontré أن قبل قيام الساعة بعض الناس ils suivront et rejoindront les kuffars. وهذا tu le vois à notre époque. كم من المسلمين ils ont délaissé بلاد الإسلام et ils se sont déplacés, ils ont rejoint Al-Kafara fi biladihim. Wal musiba anna al-ba'd ils appellent ça hijra. Alors que c'est min bilad al-islam ila bilad al-kufr. Et كذلك tu trouves comme min al-muslimin qui vivent fi bilad al-islam et ta'atharu bil kuffar. Pourtant, elle n'est jamais partie inda al-kuffar. Ni dans leurs écoles, ni même en touriste, ni même un jour. Lakin ta'athara bi afkarihim. Pourquoi? Lianna الكفار يقاتل المسلمين إما directement إما par des choses pour leur changer leur أفكار. فلهذا قال شيخ الفوزان حفظه الله قال يرتدون عن الإسلام ويكونون على منهج الكفار وهم في بلاد الإسلام. أخبر صلى الله عليه وسلم عن وقوع هذا حتى تدخل ربما يفي في بلاد المسلمين سامرتد تأثر بالكفار مثلا يغني الشريعة. هذا حاصل صعيب. بعض الناس في بلاد المسلمين يدين هذه الشريعة سيساكي نوزا أتغدي بعضهم يقول أنها سي بلو فالاب وبعضهم يطعن طعن صريح alors que c'est des versets du Coran. الشريعة اللي فوندي سور القرآن et sur السنة هذا لا شك أنه سي دو كفر. لماذا؟ لأنهم تأثروا. قد يقول قائل comment ils ont fait pour suivre les kuffars dans leurs pensées alors qu'ils vivent très loin d'eux. Obama, il vit dans un pays à des milliers de kilomètres des Kavara. Là, on vit à une époque, il y a des wasa'il. Le monde où on vit là, il est devenu très très petit avec ses wasa'il. Ah, Satan avec Internet. Obama, il est vu blad musulmane et il lit des livres de Kavara. Ou il regarde des documentaires, des reportages de Kavara. Ou il écoute des Kavara. Thumma, des choubah rentrent dans son cœur. Obama, il est vu blad l'islam. عيادا بالله. قال ووقع هذا كما أخبر به صلى الله عليه وسلم ففيهم من يبقى في بلاد الكفر أو الكفار ولم يهاجر ويوافق الكفار في طقوسهم الدينية ويجري عليه حكمهم مختار للإقامة بينهم. هذا سيقع أن البعض يفيو عند الكفار يسون تحت حكم الكافرين. مثلا السجة كنا سيتي الهوموسيكسواليتي c'est permis, enfin, ouais, il vit dans un bilad qui rend permis ça. Enfin, Obama, il les voit dans la rue, Obama, il les voit à la mairie quand il se marie, Obama, ayyadan billah. C'est un zul. Le musulman, il a pas le droit de se rabaisser ça. Et si tu dis que t'es pas d'accord publiquement, Obama, tadour nafsak. C'est pour ça que, comme il y a un nas, ils sont obligés de se taire. Wa hada la yajouz. Si tu peux pas parler, tu ne peux pas parler, enfin, après, choisis un bilad où tu peux appliquer ton din. هذا كذلك c'est très très grave pour دين المر كما قال الشيخ البوزان لأن البعض ils étaient على خير ثم à force de se mélanger avec les كفر تأثروا بهم وبعضهم كفر بكل صراحة بعضهم ils sont sortis du دين et lui-même ils combattent دين بل بعضهم eux-même ils disent je suis plus مسلم وبعضهم ينشرون الآن ils propagent كثيرا dans les médias أن إما une femme إما un homme أنه il est plus مسلم et il explique pourquoi عياذا بالله. لماذا؟ لأنه تأثر. أما في بلدان المسلمين الحمد لله même si ça arrive c'est beaucoup moins, c'est beaucoup moins. Et même si ça arrive chez les bulldogs musulmans, c'est parce qu'ils ont ouvert leurs oreilles et leur cœur à haoula. Et ça nous montre l'importance de ne pas écouter n'importe qui, akhi al-karim. C'est très très grave. Wa'aduhum, comme on l'a dans la kalima qu'on avait fait sur les médias, on a le wa'ad, ils écoutent des kafaras qui mettent en garde contre d'autres kafaras. Tout ce qui est complot, les sionistes, et l'obama yaghtar bi ba'd al-kafara. Ça peut être des communistes, ça peut être madri min tawa'if al-kafara, yaghtar bihim, robama yuhibbuhum, robama ils pensent qu'ils sont à la haqq. Et ça, c'est bab al-dhalala qui a été ouvert. Peut-être qu'il les rejoindra, ayyadan billah. On fait attention. Al-islam fihi khayr. Et le Coran wa sunnah, tout le khayr est dans le Coran wa sunnah. Wa ulama al-sunnah, ils veulent notre bien. C'est warathatul anbiya. On n'a pas le droit de délaisser tout ça pour prendre عند اليهود والنصارى الأشرار. قال ومنهم وفيهم من يبقى في بلاد المسلمين ونعم كان هو يتبع مذاهب الكفر من شيوعية وبعثية وقومية وغير ذلك. اي نعم. قال هؤلاء لحقوا بالمشركين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء ont rejoint les mushrikins كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إما avec leur corps, إما avec leur pensée, avec leur croyance. عياذا بالله. On fait attention. Tous ces afkars qui sont propagés, la démocratie, la laïcité, la liberté, ce qu'ils appellent les droits de l'homme, les droits de la femme. Wallahi, tout ça c'est du kadhib pour combattre l'islam ou les muslimin. أما الله سبحانه وتعالى nous a donné nos حقوق في القرآن وفي السنة كسوا اللهم كسوا لفهم حتى وزنهم ولله الحمد فأنا لا بد من الشرش وتخبى هذا الباب لنا في قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان مقصود هذه الترجمة الحذر من الشرك والخوف منه وأنه أمر واقع في هذه الأمة لا محالة. On a lu ensemble plusieurs hadith. والرد على من زعم أن من قال لا إله إلا الله وتسمى بالإسلام أنه يبقى على إسلامه ولو فعل ما ينافيه من الاستغاثة بأهل القبور ودعائهم وسمى ذلك توسلا لا عبادة فإن هذا باطل. وهذا تقدم على مقدمة كنا في هذا الدرس أن البعض يبنس أن من قال لا إله إلا الله يبقى سورتير دو الإسلام إليه على بغية. ça c'est très très grave. الإنسان لا يأمن على نفسه. il pense qu'il est à l'abri. il a dit لا إله إلا الله خلاص. Il est à l'abri, il peut faire ce qu'il veut. Là, Bardenas, ils se sont laissés aller, hatta abadu ghayr Allah. Et s'ils sont conseillés, ils pensent en Allah, ils ne peuvent pas sortir de l'islam. Ça ne peut pas arriver. Alors que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a montré l'inverse. Annahu, ça arrivera. Al-ibra, c'est bil amal. Si l'insan, il est à la amal al-mu'minin, amal al-mu'ahidin, c'est un mu'min, c'est un mu'ahid. Et si il est à la amal al-mushrikin, al-kavara va. On parle نحن من حيث الإطلاق العموم أما لو كبار كاف تقدم معنا أنه لابد من اجتماع الشروط واندفاع الموانع. قال فإن الوثن اسم جامع لكل ما عبد من دون الله. هذا سنتعرف طيب celui qui voulait un تعريف sur الوثن le pluriel c'est أوثان. اسم جامع لكل ما عبد من دون الله. C'est un nom qui englobe tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. C'est ça الوثن. قال cette chose qui est adorée en dehors d'Allah, si c'est une personne pieuse من باب أولى النبي فالحمد لله لا يضره ذلك. لكن pour ceux qui l'adorent ils l'ont pris en tant que وثن. أما si c'est un نبي فالسي un نبي عند الله سبحانه وتعالى. قال لا فرق بين الأشجار. أما celui qui appelle à se faire adorer, تقدم معنا أنه on l'appelle comment? طاغوت. الطاغوت c'est celui qui appelle à se faire adorer. قال لا فرق بين الأشجار والأحجار والأنبياء ولا بين الأنبياء والصالحين والطالحين في هذا الموضع وهو العبادة فإنها حق لله وحده. أي dans ce domaine l'adoration, il y a pas de différence entre l'adoration d'un pieux ou d'un pervers, d'un ange ou d'un arbre, d'un prophète ou d'une pierre, d'une statue. Min hayth al-hukm, c'est la même chose. C'est adoré autre qu'Allah. Amma al-mushrikoun, ils prétendent que c'est un manque de respect. Ils ont un manque de respect azim. envers Allah subhanahu wa ta'ala, envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, envers le Coran, envers le sunna, envers le mu'minin. Ils adorent autre qu'Allah, ثم ils accusent al-muhidin de manquer de respect. فلا يبال بهؤلاء. قال وهو العبادة فإنها حق لله وحده فمن دعا غير الله أو عبده فقد اتخذه وثنا وخرج بذلك عن الدين ولم ينفعه انتسابه إلى الإسلام فكم انتسب إلى الإسلام من مشرك وملحد وكافر منافق. كلام جميل. أن celui qui contredit التوحيد, il contredit sa shahada avec du shirk akbar, فلا ينفعه son khinu أو ses origines أو sa famille أو son apparence أو ses paroles. لا, ça c'est tout annulé avec le shirk akbar. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْوَطَنَّ عَمَلُكَ. Allah il lui annule tout, même s'il fait siyam, même s'il sort zakat, même s'il fait ramadan, même s'il va au hajj, tout est annulé. La bud min tawba. Et c'est ça que kathirun min an-nas, ils n'ont pas compris. Vous dites que ce qu'il faisait du shirk alors qu'il a fait le hajj, alors qu'il fait le siyam, alors qu'il prend soin des orphelins, alors qu'il aide les pauvres, ça ne suffit pas. Là, si l'insan il annule l'as, la base, là chacun a tout le reste, c'est annulé كذلك. قال فكم انتسب إلى الإسلام من مشرك وملحد وكافر منافق والعبرة بروح الدين وحقيقته لا بمجرد الأسامي والألفاظ التي لا حقيقة لها. كلام جميل. العبرة الإسانسيال بروح الدين وحقيقته عقيدة الإنسان. Ça veut pas dire que l'apparence c'est pas important. Là, l'apparence c'est important, mais le plus important c'est l'aqida. Ça, si l'aqida elle est bonne, enfin, l'apparence elle sera acceptée. Mais si l'aqida elle est mauvaise, l'apparence elle sera d'aucune utilité. Est-ce que le munafiqoun, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'habillait comme des kafaras? Là, la preuve c'est que Ba'd al-Nas, ils savaient même pas que c'était des munafiqoun. L'imad, les anoum, ils se sont mélangés avec les muslimines. Ils s'habillaient comme eux, ils parlaient comme eux, ils prononçaient shahada comme eux. Allah subhanahu wa ta'ala akhbara أن المنافقين سيغوا يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار. Au plus bas fond de l'enfer. Le plus bas niveau. Pourtant, c'était des Arabes. Ils s'habillaient qamis, imama, wal-lihya, comme les muslimines à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça sera d'aucune utilité عند الله. Voilà. C'est ça son قول. والعبرة بروح الدين وحقيقته لا بمجرد الأسامي والألفاظ. أما les étiquettes, les origines, le prénom, enfin, si ce n'est pas fondé sur le tawhid, sur une aqida salima, loin du shirk, c'est donc une utilité عند الله. لكن كثير من الناس لا يعلمون. C'est pour ça qu'on doit faire des efforts في دراسة مثل هذه الكتب النافعة في التوحيد et mettre en application بقدر المستطاع et كذلك propager هذه الأمور. Vous avez remarqué qu'avec التوحيد, les ulama traitent beaucoup de sujets, même d'actualité. Il y en a, tout est lié à ça. Tout le bien il est lié au tawhid. Tout le mal il est lié à la contradiction de ce tawhid. Imma directement, imma tu trouveras là où il y a un lien, là, bout. Allez, hada, comprendre ces masail, c'est muhim jiddan. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala tawfiq wa sadat. Naktafi bi hada al-qadr. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Les prochains doros, c'est sur la sorcellerie. Il va citer des choses qui annulent al-tawhid. كذلك النشرة, كذلك التطير, أو الطيرة, كذلك التنجيم. Et après avoir fait cette tafsil sur le rouleau, sur toutes les wasaïl du shirk, il va revenir à des choses graves du shirk. Et il va montrer la sorcellerie, كذلك ce qui... l'astrologie avec les étoiles, كذلك الكهان, كذلك الطيرة, أو التطير, tout ça c'est من الشرك avec أحيانا التفصيل. Il va citer des hadiths et les ulama ils démontrent le hukm, face à des abou abna fi'a, très très important.